15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour à tous et bonjour Anissa. Bonjour Marion, bonjour à tous. Merci d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Esprit, es-tu là? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h, alors que la science se penche de plus en plus sur la question du paranormal. On va pas faire tourner la table du studio Coluche encore, mais presque, et se demander si les esprits existent, comment ils se manifestent, quels liens les unissent à notre monde, veillent-ils sur nous, qu'en pense la science? Et on y répond avec Stéphane Alix, fondateur de l'INRES, Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, directeur du magazine Inexploré qui fête ses 5 ans dans son nouveau numéro. Bonjour. Bonjour Marion. Et merci d'être avec nous. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui cartonne en librairie, Le Test, aux éditions Albin Michel. Et vous êtes venu accompagné de Natacha Calestrémé, très beau nom, qui publie Le Voile des apparences chez Albin Michel, un polar qui mêle surnaturel et questions de santé, et qui se trouve être votre épouse aussi. C'est la première fois qu'on accueille un couple dans cette émission. Natacha, bonjour. Bonjour Marion. Et merci d'être avec nous. Bien sûr, on attend vos témoignages sur le sujet. Est-ce que vous croyez aux esprits? Appelez-nous au 3921 et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence par quelques chiffres dénichés par Sarah Kalman qui prépare cette émission. 95% de l'univers est invisible. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va en parler. J'imagine que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. 30% des Américains auraient vécu une expérience de contact spontané avec un défunt et 45% des Américains croiraient aux fantômes. 20% des 11-13 ans, on est en France cette fois-ci, perçoivent des voix ou des visions selon une étude européenne récente qui souligne que ces manifestations ne sont pas nécessairement des signes de psychose. Enfin, notre cerveau enregistre moins de 0,5% des émanations qui existent dans l'univers. Et vous, croyez-vous aux forces de l'esprit? On écoute vos réactions. Je pense, oui, c'est possible. Hein. Bah, qu'il y ait quelqu'un autour de nous là qui nous écoute. Il y a des sons qu'on n'entend pas, donc il y a forcément des choses qui existent. Hein. Moi, je ne veux pas vous dire que ça existe, hein, mais je ne veux pas non plus dire que ça n'existe pas. Pas du tout, non. Je crois pas à ça. Oui, non, ça m'a jamais intéressé. Et puis en plus, j'y crois pas du tout. Ah non, je pense à une mère qui a de l'amour pour ses enfants. Quand elle décède, je suis sûre qu'il reste quelque chose, comme une sorte de protection, un petit halo. Voilà, ça, c'est à ça que je crois. Déjà, je trouve qu'on a du mal à communiquer avec les vivants. Alors, personne ne sait ce qu'il y a après, mais j'y crois pas trop quand même. Tout ce qui est ésotérique, tous les phénomènes qu'on peut pas expliquer aujourd'hui, je pense que la science, dans 100 ans, 200 ans, nous expliquera. Et je pense qu'il n'y a rien de inexplicable. Je pense que c'est une dimension qu'on connaît pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui nous protègent, qui veillent sur nous. Moi, je crois que c'est ce que je vois. Voilà, je crois que ce que je vois. Et micro-trottoir réalisé par Sébastien Bordenave est très touchant. Certains témoignages comme cette maman qui croit que lorsqu'elle meurt, un halo reste au-dessus de ses enfants. Alors la nouvelle saison 10 d'X-Files, le retour de la force avec Star Wars, les 5 ans du magazine Inexploré qui cartonne alors que la presse papier est en berne. Stéphane Alix, pourquoi le paranormal attire de plus en plus? Bah, je pense parce qu'il y a de plus en plus d'éléments rationnels qui nous permettent de nous pencher sur ce sujet-là. La science, la médecine. C'est grâce aux progrès de la science, finalement, qu'on s'intéresse à... Grâce à ces progrès de la science, je pense qu'on peut s'y intéresser de façon plus rationnelle et s'apercevoir que loin des explications faciles qu'on avait autrefois en disant, bah, tout ça, ce sont des fadaises ou je ne crois que ce que je vois, comme disait votre dernier auditeur. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que quand on ne voit pas des choses, elles existent peut-être. On en constate peut-être indirectement les effets. On peut faire des études statistiques dessus. Et toute cette approche très sérieuse que le magazine Inexploré essaie de présenter numéro après numéro, rassure les gens et permet justement de s'intéresser de façon très constructive sur tous ces phénomènes bizarres. Justement, vous le dites, ça n'est plus seulement une passion d'illuminer. De nombreux neurologues se penchent sur le sujet, beaucoup de recherches scientifiques se penchent aussi sur les phénomènes dits paranormaux. Pour en conclure quoi? Si on devait en tirer une conclusion, un fil directeur? Le fil directeur, c'est qu'il y a effectivement peut-être une dimension invisible de notre réalité, qui est peut-être peuplée d'intelligence, qui agit sur nous. On peut en mesurer les effets, on peut en mesurer les impacts dans différents domaines. La physique en est un, la médecine en est une autre, la psychiatrie qui permet de diagnostiquer justement quand quelqu'un vous raconte une histoire qui en apparence est une histoire de fou, vous permet de diagnostiquer que c'est pas une raison pathologique qui lui fait raconter qu'elle a vu un fantôme ou qu'elle a vu telle chose. Donc on a que des éléments, je dirais, indirect des manifestations de cette peut-être possible réalité invisible. Donc voilà, le fil continue de tout ça, que ce soit les fantômes, les esprits ou tous ces sujets qualifiés de paranormaux, c'est que la dimension de la réalité est peut-être très réduite. Enfin, celle que l'on perçoit et que l'on s'accorde à considérer comme réelle est peut-être très réduite. Alors vous consacrez donc un numéro spécial aux esprits. J'aimerais savoir comment vous y êtes venus tous les deux. Stéphane, il paraît que c'est votre femme, Natacha, qui vous a, je cite, appris à sentir les esprits. Natacha, ça s'est passé comment ? En fait, comme il explique que dans le magazine, c'est que c'est vraiment sur la durée. C'est-à-dire que j'y suis pas allée avec mes gros sabots en disant moi, mon grand-père était guérisseur, donc j'avais une approche. J'ai appris. Vous êtes basque, hein, c'est oui, ça. Oui, tout à fait. Et j'ai appris à accepter l'invisible, l'inexpliqué. Il y avait des gens qui rentraient, qui étaient malades, qui ressortaient, qui étaient guéris, et ils n'avaient pas pris de médicaments, ils n'avaient pas vu de médecin, ils avaient vu un guérisseur. Et donc, quand on est toute petite et qu'on apprend à finalement se familiariser avec l'invisible, l'inexpliqué, même si j'ai une approche très cartésienne et scientifique, puisque j'écris des choses sur la science et sur la santé surtout, et bien finalement j'ai appris à l'accepter. Et donc petit à petit, à travers nos expériences, notre vie de couple, il y a des phénomènes qu'on a rencontrés, des choses qu'on a même parfois subies et sur lesquelles j'étais sensible. Et donc je lui disais, tiens, regarde, il se passe ça. Je ne sais pas si on peut raconter une anecdote. Oui, oui, je vous en prie, parce que voilà. Ça rend curieux, si c'est pas indiscret. Non, pas du tout. C'est-à-dire une fois, Stéphane avait une chambre, il vivait dans une chambre de bonne quand je l'ai rencontré. Et puis, chaque fois que je venais, il posait ses affaires à un endroit et je devenais presque hystérique. Je lui dis, non, pas cet endroit-là, plutôt là. Et puis, je me posais même pas la question du pourquoi, du comment. Et un jour, il me dit, est-ce que tu sens quelque chose? Parce que moi, je suis pas médium. Ça m'est arrivé 4 fois dans ma vie de percevoir des choses, mais un peu malgré moi. Et quand il m'a demandé ça, je me suis autorisée à regarder. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash. J'ai vu que à l'endroit où il posait mes affaires, où je ne voulais pas, il y avait un homme qui prenait feu dans sa salle de bain. C'était bizarre. Parce qu'on peut pas prendre feu dans sa salle de bain, on se baigne. Et encore moins dans votre fauteuil. Voilà. Et Stéphane s'est renseigné. Et effectivement, l'ancien propriétaire était mort, brûlé dans sa salle de bain parce qu'il était sous médicaments. Et donc, voilà. Et donc, là, je dis, bah, écoute, je l'explique pas. Il s'est passé comme ça. Il a pu vérifier. Et donc, je pense que c'est au travers de la vie, quand on rencontre des choses comme ça, auprès de gens qui vous touchent et que vous savez très bien qu'ils ne mentent pas, que vous pouvez être impliqué. Et d'ailleurs, je rebondis sur votre question précédente. Par rapport aux scientifiques, aujourd'hui, il y a des médecins comme le docteur Chambon, le docteur Charbonnier, qui ont osé, en fait, s'exprimer sur ces sujets-là et qui, je pense, ont incité le grand public à se dire, si des médecins s'engagent ce domaine-là, moi qui suis tout petit, qui perçois ces choses-là, je peux en parler. Alors, on va reparler de ces esprits. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont bienveillants, pas bienveillants? Comment se connecter? Un chiffre a retenu mon attention en début d'émission. 20% des 11-13 ans perçoivent des voix ou ont des visions. Mais ça diminue, j'imagine, avec l'âge, puisque seulement 2% des adultes ont les mêmes signes. Comment vous l'expliquez? Est-ce que les enfants sont plus ouverts d'esprit? Sans mauvais jeu de mots, Stéphane Alix. Oui, qu'est-ce que c'est que la perception, en fait? Le fait de voir des esprits ou des entités, ça peut être effectivement dû pour une partie des gens qui les vivent à une pathologie, un dérèglement cérébral, mais il y a trop de cas de gens parfaitement sains d'esprit pour que ce soit forcément ça. Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est que ces perceptions, qu'on va appeler une forme de super sixième sens, c'est un sens qu'on a tous dans l'enfance et qu'on a tous à la naissance. Sauf que quand on grandit, quand on devient un être social, à l'école, et puis ensuite à l'université, puis ensuite enfin à l'âge adulte, on s'est construit un personnage, on se construit une identité qui va ne fonctionner et ne va s'élaborer que sur nos 5 sens qui sont ce que l'on considère la réalité, ce que notre culture nous apprend à être la réalité. Donc ce petit sixième sens, cette intuition que j'ai redécouvert grâce à Natacha, en moi, c'est quelque chose que j'avais, mais de façon latente et non développée. Donc les enfants l'ont de façon plus développée, parce qu'ils ne sont pas encore devenus des adultes totalement finis. Mais voilà, à l'âge de 20 ans, on est quelqu'un qui, si on est bien intégré dans la société, on est très fonctionnel, et du coup on s'est coupé de ces attentions-là. Mais effectivement, les enfants, 2-3 ans même, enfin, qui n'a pas changé la couche? Enfin, moi, je l'ai fait de mes enfants. Et puis, d'un coup, voir votre enfant allongé sur la table allongée, regarder l'espace autour de lui, qui est manifestement vide, il n'y a rien du tout. Et pourtant, lui, il a l'air de suivre des yeux quelque chose de précis. C'est peut-être parce qu'il ne fixe pas encore son regard aussi. Non, je fais la cartésienne. Restez avec nous. Qu'est-ce qu'un esprit? Est-ce qu'il est forcément mort? Est-ce qu'il y a les esprits de la nature? Aurait-on la faculté de se dédoubler? On en parle dans un instant, juste après l'insouciant Don't Worry de Matt Cohn, carton de l'année. À tout de suite sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Est-ce que la science et les esprits font bon ménage? On en parle jusqu'à 16h sur Europe 1. On va justement essayer d'ouvrir notre esprit à cette question avec vous, Marion Ruggeri, avec vos invités. Deux spécialistes qui ont tous les deux publié un livre sur les phénomènes paranormaux. Stéphane Alix, fondateur de l'INRES, je le rappelle, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, directeur du magazine Inexploré et auteur du test aux éditions Albin Michel. Et puis Natacha Calistrémé, j'adore votre nom, je ne me lasse pas de le dire. dire. Ça veut dire être aimé en basque, hein, c'est ça. Ça c'est très très joli. Qui publie Le voile des apparences chez Albin Michel également. Alors première question très simple, Stéphane Alix, qu'est-ce qu'un esprit? Vous qui avez consacré tout un dossier. C'est un mot court et simple pour désigner beaucoup, beaucoup de phénomènes différents. Effectivement, quand on pense esprit, on pense automatiquement fantôme, esprit des morts. Mais les esprits de la nature aussi sont quelque chose qui est présent dans énormément de cultures. Mais c'est quoi les esprits de la nature? C'est quoi, de l'arbre, de... Ça peut être des arbres, des animaux, des forces pas forcément incarnées dans un être vivant que l'on connaît. Ça peut être, je dirais, pour essayer de faire un fil rouge qui soit général sur l'ensemble des manifestations d'esprit, je parlerais plus de force intelligente, qui peuvent avoir un effet plus ou moins important sur les êtres humains ou sur l'environnement. Est-ce que ça peut être aussi l'esprit de quelqu'un de vivant? C'est-à-dire le dédoublement, ou ce qu'on a beaucoup raconté aussi à propos de la vie des saints, qui avait ce don d'ubiquité, d'être dans deux endroits à la fois. Oui, effectivement, c'est quelque chose le don d'ubiquité, c'est votre corps qui est à deux endroits. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Yvonne-Aimée de Malestroit, non? Alors, je la connais parce que vous me l'avez raconté juste avant, mais je ne la connaissais mais ça, pas. Ça, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est une personne qui a été bien connue au milieu du siècle, qui a été impliquée notamment dans des actes de résistance, qui dirigeait un monastère et qui était connue pour énormément de phénomènes inexpliqués qu'elle vivait, et notamment le don d'ubiquité. Et elle a été observée à plusieurs reprises à deux endroits différents. Et c'était tellement connu et tellement établi qu'à la fin de la guerre, elle a été décorée par le général de Gaulle qui l'a décorée pour ses faits de résistance. Et en lui posant la médaille et en lui faisant une accolade, le général de Gaulle lui aurait dit à l'oreille « J'espère que Churchill n'est pas en train de vous décorer en ce moment même. » Comment s'appelait-elle? Yvonne-Aimée de Malestroit. Mais donc ça, vous y croyez par exemple au dédoublement? Est-ce que, si je pousse le raisonnement, est-ce que l'on pourrait être en plusieurs lieux à la fois? Quand on pense à quelqu'un, d'une certaine manière, c'est un peu le cas parfois. Marion, j'y crois pas. Moi, j'observe. Je suis journaliste. Donc, Yvonne-Aimée, c'est effectivement un cas qui est extrêmement attesté, qui a été attesté par pas mal de témoins. Je sais que l'histoire aussi et les recherches, quand elles se penchent sérieusement sur ces cas-là, attestent de la réalité de tous ces phénomènes-là. Donc voilà, moi, je fais le constat de ces phénomènes, du dédoublement. Après, on peut effectivement essayer d'interpréter dans différentes directions. Le fait qu'on aime quelqu'un, ça dégage peut-être une énergie vers cette personne-là. Je crois qu'on en est au balbutiement de l'exploration de ce qu'est la conscience. Nous, on a l'impression que notre conscience, c'est notre corps, point, et que notre cerveau génère notre conscience. En fait, ce qui ressort des recherches qui sont faites actuellement, c'est que le cerveau, plutôt que d'être un générateur de moi, de ma conscience ou de mon âme, serait un capteur. Comme une radio va capter l'onde qui va vous permettre aux gens de détecter Europe 1. Donc Europe 1, c'est pas dans le poste de radio de l'auditeur qui nous écoute en ce moment. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. C'est quelque chose qui est comme une espèce de champ qui flotte partout, dans toute l'hexagone, et qui est capté en fonction des fréquences. Et donc nous, on en capterait très peu, c'est ça, une part infime. Et voilà, et nous, on capterait donc une part infime de cette réalité. Les gens qui sont à l'hôpital psychiatrique, pour certains, sont peut-être des gens qui captent trop de cette réalité et qui n'arrivent pas à faire de bons réglages et qui sont envahis par ces perceptions. Moi, j'ai le souvenir de beaucoup de personnes qualifiées de schizophrènes qui, en fait, se plaignent de quoi ? Se plaignent d'entendre ce que vous pensez, ce que pense l'autre personne présente, ce que pensent les 10 personnes présentes dans la pièce. Et manifestement, quand on les interroge précisément sur qu'est-ce qu'elles ont pensé, qu'est-ce qu'elles ont capté de nous, on s'aperçoit qu'elles captent des informations tout à fait justes et tout à fait avérées. C'est ce dont parle d'ailleurs Natacha dans son roman. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est une perception médiumnique ? Est-ce que c'est de la folie ? On est manifestement dans quelque chose qui est troublant, qui ne reçoit pas d'explication facile et qui peut-être montre que voilà, cette dimension invisible de la réalité est tangible. Natacha Calestrémé, est-ce que ces esprits justement peuvent interagir avec nous ? De quelle façon ? Je pense que ça marche un peu de la même façon que pour les guérisseurs. Ils parlent tous d'intention. C'est-à-dire que vous parlez tout à l'heure de on pense à quelqu'un et puis vous appelle. C'est exactement la même chose. Et quand Stéphane parle effectivement de notre cerveau qui est en mode réception, c'est un peu ça. Je pense à vous. Genre, j'émets quelque part une vibration. Certains vous reliez ça à la physique quantique, mais peu importe. À la limite, je dirais que peu importe si on l'explique pas aujourd'hui. Et effectivement, on peut constater que ça marche. Et du coup, j'ai oublié votre question. Non, je disais, est-ce qu'ils peuvent interagir avec nous ? Vous disiez, parfois on peut avoir l'impression que quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est très loin, tout d'un coup est très proche ou nous caresse la joue, ou alors quelqu'un de mort que vous voyez sur votre canapé. Est-ce que ces gens-là peuvent entrer en contact, ces esprits-là en tout cas, peuvent entrer en contact avec nous ? Les médiums, et d'ailleurs ceux qu'on a interviewés dans le magazine Explorer, ils le disent tous, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement, en se connectant avec un prénom, avec une photo, rentrer en connexion avec ces personnes. Ensuite, effectivement, ces esprits auraient la possibilité de, dans certaines circonstances, sans qu'on soit médium, par exemple, une personne vient de perdre sa maman, elle va, en se couchant, avoir le sentiment qu'on lui caresse la joue. Ça va arriver une fois fois de façon fugitive, c'est comme un cadeau. Et d'ailleurs, quand on n'est pas médium, très souvent, ces phénomènes-là, on dit qu'ils arrivent de façon impromptue, on les a pas attendus, pas désirés, pas même imaginés. On est les premiers surpris, puis on va sentir quelque chose. Et à ce moment-là, eh bien, c'est comme une grâce. On dit, ma mère était là ce jour-là. Est-ce qu'on a une explication? Est-ce que ça lui a demandé beaucoup d'énergie pour venir? On sait pas tout, on peut pas vraiment l'expliquer. Mais toujours est-il que on peut pas remettre en question. Et une fois de plus, est-ce que vous pensez que les enfants sont plus sensibles à cela? On en parlait dans la première partie de l'émission. Des gens présents sur le plateau derrière la vitre disaient que leurs enfants souvent parlaient avec des amis imaginaires, par exemple. Alors, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, les enfants ne sont pas, ils n'ont pas encore, on leur a pas interdit de penser que c'était impossible. Tous les médiums qu'on a rencontrés nous disent, au moment où je découvre cette perception, cette capacité à rentrer en contact avec un défunt, je suis persuadée que tout le monde vit la même chose. Et la première stupéfaction, c'est de se rendre compte que finalement, on est tout seul. Donc moi, ce qu'on conseille vraiment aux parents, c'est de leur dire, écoutez vos enfants, est-ce qu'ils le vivent bien? Est-ce qu'ils en ont peur? Et si ils n'en ont pas peur, ça sert à rien d'avoir peur à leur place. Rassurez-les en leur disant, il y a certaines personnes comme toi qui voient des choses. On sait pas, il y en a certaines personnes qui pensent que c'est faux, que ça n'existe pas, d'autres qui pensent que ça existe. C'est à toi de te faire ta propre réalité. Et je pense que voilà, il faut les rassurer. Et puis généralement, ça passe tout seul aussi au bout d'un moment, non? Ah oui, c'est-à-dire qu'à 14 ans, il a encore un ami imaginaire, c'est... Bah, peut-être qu'il est médium. Peut-être qu'il est médium. Juste une petite dernière question. Est-ce que les esprits seraient perceptibles par tous si on utilisait 100% de nos capacités cérébrales et pas 20%, me semble-t-il, comme c'est le cas J'en suis actuellement. Convaincu. Je suis convaincu que cette perception qui est de l'ordre du sixième sens, et puis j'en suis la preuve vivante, je suis quand même le plus bourrin du monde. Et grâce à ce parcours, à cette écoute que j'ai eue et aux portes que m'a ouvert ma femme, j'ai réussi à être suffisamment en confiance pour sentir des petites choses qui sont arrivées, et notamment pendant l'écriture du test, j'ai senti à plusieurs reprises mon père être vraiment présent dans la pièce. Donc c'est pas une certitude, c'est pas quelque chose sur lequel je peux m'assurer et vous le prouver de façon certaine, mais c'est une intuition forte. Et je pense que nous, vous, toutes les personnes autour de cette table qui ne sommes pas médiums, on est quand même intuitif, on a quand même cette capacité à se laisser un petit peu aller. Et la difficulté, c'est de réussir à le faire avec du discernement, sans pas non plus perdre complètement pied. Et si, effectivement, on entraîne notre esprit, comme la méditation permet par exemple d'entraîner son esprit et de lui faire des choses absolument extraordinaires, eh ben, je pense que si on entraîne notre esprit dans la direction d'une plus grande ouverture vers ce monde invisible, on peut être capable de prouesses absolument hallucinantes. Oui, et puis surtout, si on reprend tes mots, j'ai senti, c'est-à-dire que physiquement, c'est-à-dire que je pense que le cerveau a finalement peut-être pas grand-chose à voir dans la simple, oui, dans l'acceptation, ça je rejoins. Par contre, c'est physique, c'est-à-dire que ce sont des frissons. Quand vous commencez à vous pensez à quelqu'un, qui est décédé, vous avez des frissons. Il y a de grandes chances que cette personne soit à côté de vous. Restez sur les ressentis physiques, c'est le corps qui indique ce genre de choses. Natacha Calestrevé, juste, vous pensez que les anges gardiens ça existe? Ben, regardez à la fin de mon livre, au remerciement, je remercie à elle, et c'est le nom de mon guide. Vous pensez qu'on en a tous un? Oui. D'ange gardien? Même plusieurs. Alors restez avec nous, on continue à parler d'esprit et réincarnation avec notre plus brillant esprit de l'équipe, c'est Benjamin Muller, à tout de suite sur Europe. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Croyez-vous aux esprits? Vous font-ils peur? Avez-vous, vous aussi, vécu des expériences paranormales? On répond à toutes ces questions sur Europe 1 jusqu'à 16h avec vous, Marion Ruggieri, avec vos invités. Et également avec Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Ça va bien? Très bien, et vous? Ouais, que la force soit avec vous. Alors vous allez nous parler, ça n'a rien à voir justement, du retour X-Files en anglais. Ça commence bien. J'ai jamais regardé. Hein. J'ai jamais regardé. Je me suis juste demandé si les deux avaient une relation. Eh voilà, bien écoutez, cette chronique va être pour vous puisque Marion n'a jamais vu X-Files. X-Files, c'est une série à part. Moi, par exemple, le surnaturel au cinéma, dans la littérature, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Mais X-Files, c'est pas pareil. C'était impossible de ne pas devenir accro. Et je trouve ça assez risqué, au fond, de relancer la série puisque les fans d'il y a 20 ans ont grandi, ont sans doute un peu idéalisé la série. Elle risque d'être déçue et sans doute assez important. Il n'empêche, l'idée de revoir Fox Mulder et Dana Scully ensemble. Ça le fait. Marion, vous me regardez. Non, mais je Fox Mulder et Dana Scully, voilà. Je me demandais si c'était les mêmes protagonistes, là. Oui, absolument. Absolument. Mais attendez, ça va venir dans la chronique. Après, pardon. Ok, j'arrête. Alors, je vais rappeler le pitch de la série X-Files. 202 épisodes diffusés, le premier en 93, le dernier en 2002. X-Files, c'est le nom des affaires non classées au FBI, non classées et chelou, ambiance extraterrestre, la vérité est ailleurs, etc. Dans cette série, vous suivez donc les deux agents spéciaux du FBI chargés d'enquêter sur les affaires non résolues et impliquant donc du surnaturel. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que ça a à ce point marqué plusieurs générations, dont la mienne, vous l'avez compris. Déjà, pour une chose, le générique. Vous connaissez ça, Marion ? Bah oui, quand même, j'étais née. Le générique de X-Files qui vous promettait quelques sueurs froides les jeudis soirs sur M6 à la fin des années 90. Le générique donc, mais aussi et surtout les deux personnages principaux cultes. À ma gauche, l'agent Dana Scully, elle, c'est la scientifique du duo Rousse et scientifique. C'est vous un peu? Non, c'est Stéphane Alix qui joue Larousse. Larousse, c'est vous, d'accord? Le garçon, c'est moi. Donc, Dana Scully est rationnelle, catholique. Elle est plutôt sceptique, du moins au début de la série, à tout ce qui touche au paranormal. Elle n'est pas hyper fun, mais elle est assez charismatique. Dana Scully est aussi coriace, puisqu'elle a échappé à plusieurs reprises à la mort. Certains la croient même immortelle. Est-ce votre cas, Stéphane Alix? Je n'ose vous poser la question. À ma droite, son coéquipier, le génial Fox Mulder, quand il avait 12 ans, il assiste à l'enlèvement de sa sœur, Samantha, enlevée par des forces obscures. Depuis, il croit aux extraterrestres et surtout à un vaste complot visant à cacher au grand public l'existence des petits martiens, parano ou très lucides. Chacun se fait son avis sur Fox. Perso, j'avais plutôt tendance à croire qu'il était très lucide. Alors, ces nouveaux épisodes, à quoi vont-ils ressembler? Il y en a 6. Je n'ai pas eu la chance de les voir, mais une journaliste de 20 minutes a pu voir le premier. Absolument. Donc, je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas vu. Cette journaliste explique que, d'une part, la musique est toujours la même, ce qui est un bon point. La scène se passe en 2015. Dana Scully et Fox Mulder travaillent désormais à l'heure des nouvelles technologies. Ils ont chacun un smartphone. Rendez-vous compte, la révolution. Ils ont même Twitter, si ça se trouve. Leur service est fermé depuis bien longtemps. Dana bosse à l'hôpital. Fox, bah lui, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais en tout cas, il bosse plus au FBI, mais il est toujours aussi parano. Il compte bien trouver enfin la vérité. En clair, rien de très surprenant. Les plus romantiques apprendront avec tristesse que Dana et Fox se sont quittés. Ils ne vivent plus ensemble. Mais non, et non. C'est fini. Mais rassurons-nous, ils vont se retrouver. Il y a un match couvert. C'est ce qu'on va voir. Ils vont se retrouver autour d'un nouveau mystère, nous explique-t-elle. Le duo est donc reformé. À vous les gars, j'ai une question à tous les deux. Comment vous expliquez que ça aille à ce point marché? Parce que ce qui touche au surnaturel, ça peut être clivant. On aime ou on déteste. Et là, j'ai l'impression que ça plaisait à tout le monde. Bah, ça laisse des portes de sortie. C'est de la fiction, donc ceux qui aiment la fiction se disent « bon, j'y crois pas, mais c'est pas grave, ça fonctionne bien ». Ceux qui y croient se disent « ah, génial, enfin, on nous prend en sérieux ». Donc voilà, il n'y a aucune porte qui nous oblige de décider si on y croit, si on n'y croit pas, on peut se laisser embarquer. Et c'est super bien fait. Et puis il y a un cartésien, et puis il y a quelqu'un qui est complètement convaincu. Donc ça laisse à chacun le moyen de trouver sa place. Et donc je précise que c'est diffusé dimanche aux États-Unis sur la Fox, et normalement en janvier de l'année prochaine sur M6. Très bien, enfin on l'aura déjà d'ici là, si c'est diffusé dimanche. Pourquoi vous téléchargez illégalement? Non, absolument pas, mais moi de toute façon j'écouterai l'émission spéciale Qui vive, samedi de 15h à 16h. Excellente émission de Raphaël Antoven, réalisée par Thomas Caillé. Une spéciale X-Files, la vérité est ailleurs. Merci Benjamin, restez avec nous. On écoute Spirit in the Sky, Norman Greenbaum, 1970, année qui se prêtait beaucoup aux illuminations. Et on revient sur Europe 1. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. La science avance sur la question des esprits et des expériences paranormales. Voilà le thème de l'émission aujourd'hui. Marion Ruggieri avec vos invités. Stéphane Alix, je le rappelle, fondateur de l'INRES, directeur du magazine Inexploré, auteur du test aux éditions Albin Michel. Et Natacha Calestrémé qui publie les voiles, le voile des apparences chez Albin Michel également. Alors à tous les deux, première question, comment est-ce qu'on s'y prend pour entrer en contact avec les esprits? Qu'est-ce qui veut répondre en premier? Stéphane Alix. Bah, moi qui suis donc bourrin, pas médium et pas doué pour la communication avec l'au-delà, je vais faire appel à soit des techniques, soit des personnes qui prétendent pouvoir le faire. Et puis, c'est-à-dire des médiums. Des médiums en l'occurrence, enfin, c'est ce que j'ai fait pour le test. Mais c'est vrai que c'est, comme on le raconte dans Inexploré, dans ce dossier, c'est les personnes qui visiblement, presque sur commande, sont capables de se... Oui, je parlais de radio tout à l'heure, de mettre la fréquence du cerveau sur cette autre fréquence, cette fréquence du monde des esprits, et puis pouvoir obtenir de leur part des informations, des phrases, pouvoir peut-être communiquer avec eux. Mais il y a d'autres techniques qui utilisent l'écriture automatique, la transcommunication instrumentale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si vous avez vu ça dans des films, c'est les bandes magnétiques que l'on met en enregistrement et puis des voix s'impriment dessus. On a entendu ça, c'est assez troublant parfois parce que il y a aucune voix qui peut s'imprimer comme ça. Il y avait rien sur la bande au départ, elle était vierge, et puis tout d'un coup il y a une voix qui vous dit « je vais bien ». Qui fait un murmure comme ça. C'est toujours bienveillant. Mais audible, avec, je vois qu'Anissa, ça me fait flipper. Parfois, c'est très audible. Parfois, c'est beaucoup plus noyé dans un espèce de bruit ambiant. Donc, ça prête plus à la confusion. Mais on a entendu des phrases entières très, très nettes comme ça. Natacha, quelle est-ce que moi, quitte à vous décevoir, je dis ne rentrez pas en contact avec les esprits. Moi, je me souviens d'une expérience avec Florence Humbert, médium, qui était partie donner une conférence. Et puis, elle rentre et elle m'a raconté j'étais furax. Les filles, elle a deux filles avaient fait une expérience avec de spiritisme avec le Ouija. Ah oui, la planche Ouija, etc., avec laquelle on a tous joué enfant. Je suis alors comme elle les voit elle comme elle vous voit etc. Elle me dit il y avait des esprits négatifs dans tous les coins de la pièce. Ça m'a mis 2 heures à nettoyer ça. J'étais furax etc. Donc comment on nettoie ça? Ben, quand on est médium et qu'on sait rentrer en contact avec ces personnes, on va partir du principe que ça existe et qu'on y croit. Eh bien, elle leur demande pourquoi ils sont restés bloqués sur Terre, puisque l'esprit est censé partir vers la lumière. S'il est resté là, c'est qu'il y a peut-être un pardon qui n'a pas été fait. Il y a quelque chose qui les a bloqués, quelque chose qui ou la matière. On dit souvent que quand on est trop accroché à ses biens, eh bien finalement, on monte pas vers la lumière. En tout cas, c'est ce que disent les médiums. Donc il faut se détacher de tout ça et ce sont des énergies qui sont pas négatives mais qui sont embourbés dans leur peur, dans leur regret, dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui donc vont vous polluer. On dit même qu'ils vont vous prendre de l'énergie. Donc c'est absolument pas, moi c'est quelque chose que je ne recommande pas. Vous déconseillez les séances de spiritisme totalement parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas gérer. Il faut faire ça éventuellement avec un médium qui va pouvoir vous dire comment il faut faire, etc. Mais quand je vois qu'une personne dont c'est le métier a mis 2 heures à tout nettoyer, je me dis que si elle n'avait pas été là, qu'est-ce qui serait passé? Juste une question sur les bons et les mauvais esprits. Donc, il existe des bons et des mauvais esprits. Les mauvais esprits, vous en avez parlé. Je pense qu'à partir du moment où on meurt, on est forcément potentiellement un bon esprit. C'est-à-dire qu'on va, on va partir faire son chemin ailleurs. Et puis, comment dire, si par contre vous êtes parti en ayant, en étant resté complètement, comment dire, en fight avec en colère contre quelqu'un, votre fils, votre frère, et que vous êtes mort sans lui avoir dit, vous donner d'explications ou pardonner, etc. Ce sont des choses qui peuvent vous bloquer. Donc c'est vrai que n'attendons pas la mort et d'être un gentil ou un vilain fantôme pour s'exprimer. Disons les choses de notre vivant, partageons, exprimons nos peurs, nos colères, et pardonnons, parce que c'est quelque chose que, plus on va pardonner et moins on a de chances d'être un fantôme un jour. On a des chances de croiser aussi l'esprit de quelqu'un qu'on ne connaît pas, voir l'esprit de bourreaux, de gens qui ont marqué l'histoire, de dictateurs, de... S'ils sont bloqués dans leur système de peur, c'est le livre des morts, le livre des morts tibétains qui explique que quand on meurt, on ne sait pas forcément qu'on est mort, et donc c'est un peu comme si on faisait un rêve ou un cauchemar. Vous savez, vous ne savez pas si vous êtes encore dans votre rêve, si vous êtes réveillé. Eh bien, la mort, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes embourbé dans votre imaginaire, dans vos peurs, dans vos fantasmes, et vous ressassez ça. Le temps n'a plus d'espace, n'a rien à voir avec la terre, et vous êtes constamment, d'ailleurs Stéphane dans son livre Le Test, c'est exactement ce qu'il dit, les médiums, les morts n'ont pas d'espace-temps, on est constamment dans une seconde c'est 10 ans, c'est pareil, donc il faut effectivement clarifier les choses. J'ai lu d'ailleurs que le Dalai Lama consultait toujours un esprit avant de prendre une décision, qu'il appelait sa chambre haute en fait, il avait ses consultants comme tout le monde. Il a 4 esprits. 4 oracles. C'est des oracles. 4 oracles. Oracles. Donc c'est des lamas qui sont entraînés justement pour se mettre en état de transe et se connecter avec des forces. Et moi j'avais assisté une fois à un des oracles, l'oracle du Nechung. Donc c'est très rigolo parce qu'ils ont le rang de ministre dans l'organisation du gouvernement tibétain. Et effectivement pour des décisions importantes, le Dalai Lama les consulte. Donc c'est une cérémonie impressionnante où ces oracles qui sont des moines sont revêtus d'un costume extrêmement lourd, entrent en transe et là commencent à grogner, à faire des bruits bizarres. Et des moines les interrogent, leur posent des questions et l'esprit qui a pénétré le corps de l'oracle donne les réponses. Et le Dalai Lama prend ses décisions avec des avis de ses ministres vivants et aussi des avis de ces oracles. Et sa chambre haute, et préciser qu'il fallait être extrêmement patient parce que ça pouvait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et qu'il fallait être patient avec les oracles. Vous avez parlé des médiums, c'est quoi un bon médium? Comment est-ce qu'on trouve un bon médium? Un médium, c'est quelqu'un qui va pas essayer de prendre des informations sur ce que vous allez pouvoir lui dire. C'est quelqu'un qui va avoir l'honnêteté de vous dire, par exemple, je capte personne. Voilà, vous allez lui montrer une photo d'un défunt et il va dire ben non, je le capte pas. Par exemple, c'est bon, ça arrive. Donc c'est quelqu'un qui peut dire ben non, là j'ai pas. Et puis c'est il faut ne pas oublier qu'un médium, c'est comme dans toutes les professions, quelqu'un qui reste faillible. Il va vous donner des informations. Très souvent, il vaut mieux prendre des notes parce que il me parle d'une Sandra. Sandra, vous connaissez? Non, je connais pas. Et puis plus tard, vous en parlez à votre père et vous dites mais oui, Sandra, c'était sa meilleure amie, etc. Donc voilà, un bon médium, c'est quelqu'un qui va pouvoir rester connecté à l'esprit sans rajouter pour en faire trop. Mais il y a un annuaire, pardonnez-moi, hein, des médiums. Enfin, je veux dire, il y a une charte, il y a un label, il y a... Non, et puis c'est pas parce que quelqu'un est un bon médium au temps X, et puis 2 ans après, il est plus bon. Donc, il faut toujours vérifier, c'est pas quelqu'un... Il faut vraiment en appeler à la vigilance des gens qui vont les consulter, parce que, effectivement, parmi les médiums, et même les médiums les plus honnêtes et les bien intentionnés, il peut parfois y avoir des erreurs. Les gens qu'on a rencontrés, que ce soit pour le magazine ou pour le test ou nos recherches en général, sont des gens qui effectivement sont plutôt bienveillants et font ça avec honnêteté, mais voilà, ils sont, comme dit Natacha, ils sont toujours faillibles. Donc la meilleure protection, c'est la vigilance qu'on va avoir soi-même. Si on va voir un médium, c'est qu'éventuellement on a perdu quelqu'un, on veut essayer d'entrer en contact avec cette personne, on a une attente terrible, donc il faut être conscient de cette attente, il faut être conscient du biais que ça va donner à la consultation et être extrêmement vigilant aux informations qu'on donne et ne pas en donner trop, ne pas considérer qu'une personne défunte tout d'un coup aurait les clés de votre vie. Souvent les médiums nous disent mais c'est marrant, les clients viennent discuter avec leur père qui est mort et ils veulent savoir ce que leur père pense du changement de voiture, du changement de boulot, mais non. En revanche, vous me disiez pendant la pub, il faut pas hésiter à poser des questions à son ange gardien. À lui demander de l'aide. Ils adorent les questions. Non, ils adorent nous aider. Ils adorent nous aider. Et ils s'usent si on leur demande rien. C'est formidable. Et l'ange gardien n'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, vous m'avez précisé oui, ça aussi. Oui, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est effectivement de solliciter, de toujours remercier, c'est quelque chose qui est important quand vous demandez quelque chose. Je dois prendre une décision, merci pendant la nuit de me dire quelle décision je dois prendre, et au matin, à travers vos rêves, vous avez des éléments de réponse et vous dites merci, c'est important, et vous aurez des réponses. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez aux forces de l'esprit? On revient dans un instant avec beaucoup de témoignages, dont le témoignage bouleversant de Stella, qui nous appelle. Ça sera juste après Mickey 3D. Il est question d'esprit aussi. Tout nouveau single, La Rose Blanche. À tout de suite sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et comme tous les jours, juste avant 16h sur Europe 1, c'est Il n'y en a pas deux comme vous. Vos réactions, vos questions, on parle des esprits et des expériences paranormales. Avec vous, Marion Ruggieri. Est-ce que vous y croyez? Vous êtes très nombreux en tout cas à nous appeler. Et j'aimerais qu'on prenne en ligne Stella, 40 ans, qui nous appelle de Huisseau-sur-Mauve dans le Loiret. Bonjour Stella. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne. Alors, vous, c'est votre fille qui est en contact avec des esprits. Racontez-nous comment ça s'est passé la première fois. Alors, la toute première fois, ce que je disais au standard, en fait, j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. En fait, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, elle parlait très correctement, on la comprenait bien. Et elle est venue me voir en me disant « Écoute maman, je ne comprends pas, quand je suis dans la salle de bain, j'ai toujours une vieille dame derrière moi. Quand je regarde dans la glace, j'ai une vieille dame derrière moi. » Et comme disaient vos invités, c'est son imaginaire. Donc je suis rentrée dedans et je lui ai dit « c'est une dame, est-ce qu'elle est gentille avec toi ?» Elle me dit « Oui, elle me parle, elle est gentille, elle ne me veut pas de mal. » Et je lui ai dit « Écoute, si elle est gentille avec toi, si toi tu veux lui parler, parle-lui. » Voilà, et j'en suis restée là. Et je n'ai jamais plus rien entendu parler de tout ça. Ma fille, maintenant, a 11 ans. Mmh. Donc, il y a 3 ans de ça, elle est revenue vers moi. Alors, moi, je suis aussi... je suis technicienne corporelle de bien-être. C'est-à-dire que je communique aussi un petit peu, mais par l'intermédiaire de mes mains sur les corps des gens. Donc, je travaille beaucoup en intuition. Donc, je l'ai comprise, en fait, le jour où elle est revenue me voir en me disant « Écoute, maman, faut que je te parle. » Parce qu'en fait, quand je dors la nuit, je ne suis pas toute seule. J'ai du monde avec moi et je vois une dame qui est toujours avec moi, mais qui me rassure et qui est gentille et je ne comprends pas. Et ça m'a fait tilt. Donc, ça m'a rappelé quand elle a eu 3 ans. Et comme j'étais dans ce milieu-là, je n'ai pas pris peur, bien évidemment. Donc, du coup, je suis allée prendre l'album photo de mon mariage, où les enfants n'étaient pas nés. Parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu la connais ? Elle me dit, non, elle ne me dit rien, cette dame. Et quand j'ai ouvert l'album photo, je lui ai simplement dit, bah, écoute, on va regarder l'album photo. Et si tu vois une personne, si cette personne-là, tu la vois sur la photo et c'est celle qui est avec toi la nuit, bah, tu me le dis. Et quand elle a pointé du doigt, en fin de compte, c'était ma belle-mère. Et ma belle-mère est décédée, je dirais, un donc an après grand-mère notre mariage, de votre donc elle fille. N'a jamais connu ma fille. Jamais. Merci. Merci donc, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour témoigner que faut pas avoir peur, il faut discuter avec ses enfants, tout simplement. Et merci Stella, et c'est exactement ce que nous disait Natacha Calestrémé. L'important, c'est ce que disait Stella, c'est-à-dire c'est de dire aux enfants, parce qu'on a beaucoup de témoignages qui nous disent, de parents qui nous disent mon fils voyait des hommes habillés, etc. L'important, c'est de leur demander s'ils ont peur ou pas. Voilà, et si jamais ils ont peur, il y a une phrase toute simple qui marche à 100%. Vous dites à vos enfants qu'ils disent... qui s'adresse aux esprits, à la personne qui voit, il dit vous me faites peur, merci de ne plus m'importuner, ou merci de ne plus venir, et quand je serai prêt, vous pourrez revenir, mais pour l'instant, j'ai peur, merci de ne pas me déranger. Ça marche à 100%, il faut le dire avec le cœur, avec l'intention, et ça s'arrête. On l'a testé avec la fille de Stéphane, on l'a testé avec plein d'enfants. Oui, présent, donc. Avec plein d'enfants, quand vous dites vous me faites peur, merci de ne pas me déranger, ça s'arrête. Très bien. Alors, ça vaut aussi pour Christophe, hein, qui nous, via Twitter, nous dit « Bonjour, mon fils voyait des hommes habillés en tenue de soldat, atrocement mutilés, tous les jours dans sa chambre, il avait alors 8 ans. » On a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Il y a une question aussi de Sandra, via Europe1.fr, qui nous dit « Est-ce qu'il y a des lieux réputés connus pour être chargés d'énergie, voire d'esprit ?» Stéphane Alix. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on vit dans une société où la vie après la mort est considérée comme une croyance et la plupart des gens n'y croient pas. Donc effectivement, quand ces gens-là finissent par mourir, ils sont un peu surpris de là où ils arrivent. Et les lieux de bataille comme la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale sont des lieux où effectivement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes sont mortes de façon violente, brutale, inattendue, même si on est en train de se battre, on s'imagine pas que tout d'un coup ça va être notre tour. Et donc, on a plein de témoignages de médiums qui se promènent dans ces endroits-là ou qui disent avoir perçu des milliers d'âmes qui sont pas méchantes, hein, comme disait Natacha tout à l'heure, c'est pas des démons, c'est pas des trucs comme dans les films américains, c'est juste des gens perdus qui sont là, exactement comme dans le film Sixième Sens, vous savez, où Bruce Willis, je peux spoiler parce que tout le monde l'a vu maintenant, mais il est mort, il discute avec un petit garçon, mais il sait pas lui-même qu'il est mort, il continue à être le psychiatre et à s'occuper du gamin, et ça n'est qu'au bout d'un long moment qu'il comprend qu'il est mort et qu'il va autre part. Mais comprendre qu'on est mort quand on est mort, ça a l'air d'être quelque chose qui est pas si évident que ça en fait. Alors, il y a toujours des sceptiques via Twitter. Thibaut qui nous dit « La pensée n'est qu'une combinaison de chimie et d'électricité. À la mort, il n'y a plus rien. » Non, c'est plus vrai. C'est plus vrai parce que c'est remis en question par justement des expériences qui sont observées par dizaines de milliers, comme les expériences de mort imminente, par exemple, où des gens dans un état d'arrêt cardiaque, où l'activité du cerveau a cessé ou est complètement dysfonctionnelle, des gens continuent d'avoir une expérience consciente, voire encore amplifiée. Donc, ça prouve bien que justement l'expérience de conscience, l'expérience de mémorisation n'est pas liée uniquement aux échanges électrochimiques dans le cerveau. Mais ça serait un peu long de rentrer dans le débat là-dessus. Mais... Et puis on salue également les gens qui nous ont appelés au standard. Stéphane, 30 ans de Pau, qui nous dit que une amie brésilienne, dans son pays, on croit fermement à la présence des esprits. On ne se pose pas les mêmes questions qu'en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup une question de culture aussi. Certaines cultures sont plus ouvertes à ce genre de phénomène. Mireille, 66 ans, qui nous appelle de Marsannay-la-Côte, qui nous dit « Je pense que l'on reçoit des informations que l'on ne peut pas expliquer. Il y a des formes de communication que l'on n'explique pas encore. Certaines personnes avec une sensibilité spéciale peuvent ressentir ces choses-là. » Et puis, un petit clin d'œil à Christiane, 80 ans, de Clermont-Ferrand, qui nous dit « Je voudrais qu'on demande aux esprits ce qu'est devenu Louis XVII. » Je pense que c'était relation avec l'émission de Franck Ferrand. Exactement. Merci à tous, en tout cas, pour vos témoignages. Merci à Stella et merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Le test de Stéphane Alix et le voile des apparences de Natacha Calestrémé sont parus chez Albin Michel. Et puis la revue Inexplorée fête ses 5 ans avec un numéro exceptionnel, spécial esprit, et qui est en kiosque actuellement. Merci à tous les deux, à très bientôt j'espère. On se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas deux comme elle, pour une émission spéciale sur le malaise adolescent, comment prévenir le suicide des ados, avec le spécialiste Xavier Pomereau. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous. Marion, on va se retrouver dans quelques minutes sur Europe 1 avec toute l'équipe. Il y a Patrick Chesnais qui va venir nous voir à 17h30, et il y a Jérôme Commandeur qui s'est complètement lâché. On est en plein hiver et il a sorti la collection Printemps-été. À tout de suite. À tout de suite, Cyril.